إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون فقد من الله علي في هذا الأسبوع بزيارة بلد من بلاد المسلمين الله ما permis أو مسلمان Allah m'a permis durant cette semaine de visiter un des pays musulmans. وَالْتَقَيْتُ فِي الشَّارِعِ بِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُنِي وَلَا أَعْرِفُ فَفَرِحَ أَشَدَّ الْفَرَحِ مِنْ كَوْنِهِ يَلْتَقِي بِمُسْلِمٍ J'ai rencontré un homme que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. Il fut pris d'une joie. Par le fait qu'il a rencontré un musulman. فأحببت أيها الإخوة أن أذكركم بعبادة عظيمة. Et donc je voulais, mes frères, aujourd'hui, vous rappeler une adoration grandiose. Al-Hijra. L'émigration. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre, يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون Ô mes serviteurs qui ont cru, qui ont eu la foi, certes ma terre est vaste, alors adorez-moi. يناديهم الله باسم الإيمان Allah les appelle par le nom de la foi. بهذا الوصف العظيم par ces caractéristiques. لأن إيمان الرجل يحثه على القيام بمحافظة أو بالمحافظة على دينه. Allah les appelle par ce caractère, la foi. Car la foi de l'homme l'appelle à préserver sa religion. والهجرة أيها المسلمين أيها المسلمون من أكبر الأسباب للمحافظة على الدين. Et l'émigration, ô musulmans, fait partie des plus grandes causes pour préserver la religion. فإن المرء بعدما ذاق حلاوة الإيمان يخاف على دينه. L'individu, après qu'il ait goûté le délice de la foi en Allah et au jour dernier, il a peur pour sa religion. Il a peur que celle-ci ne s'en aille. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Anas que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a trois caractéristiques que lorsqu'elles sont réunies chez un individu alors celui-ci aura goûté au plaisir de la foi. Il aura trouvé le plaisir de la foi. Et parmi ces caractéristiques, il dit, أن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذها الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le fait que celui-ci, il déteste le fait de retourner vers la mécréance après que Allah l'en ait sauvé, comme il déteste le fait d'être jeté dans le feu. أيها المسلمون ترون في هذه الأيام. Ô musulmans, vous voyez autour de vous durant ces jours. بعض الناس يريدون أن يخلعوا الحجاب عن نسائنا. Certaines personnes veulent retirer le hijab de nos femmes. والبعض يريدون أن يلزمونا بمصافحة النساء. وإلا رمزونا بالتشدد كأنهم أعلم بديننا منا. Certaines personnes veulent nous forcer à serrer la main des femmes. Et que si nous ne le faisons pas, alors ceci est de la dureté, de l'exagération. Comme s'ils connaissent mieux notre religion que nous. فبعض الناس كثير من المسلمين يشتكون. Beaucoup de musulmans se plaignent. فتأتيني الأسئلة. Les questions me viennent par téléphone ou autre. كيف أصلي؟ Comment je peux prier au travail? يصعب القيام بهذه الواجبات في العمل. Il est difficile d'accomplir ses obligations au travail. Comment pouvons-nous faire? فالبعض يدعو. Alors certains musulmans vont s'affaiblir. Ils vont faire peur de faiblesse et dire Alhamdulillah, ana lastu fi baladin muslim. Wallahu ghafurur rahim. Allahu a'lamu bihali. Ils diront louange à Allah, je ne suis pas dans un pays musulman. Allah est tout miséricordieux et il pardonne. Allah, il connaît mieux ma situation. Donc c'est pas grave si je délaisse quelques obligations. Parce que c'est le pays dans lequel je vis qui est comme ça. Nakulu la. La tattakhidh dhalika udhran. Nous lui disons ne prends pas cela comme excuse. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Certes, ceux qui se sont fait injustice à eux-mêmes et dont les anges enlèvent leurs âmes le moment de la mort, ils dirent « Où en étiez-vous ? Où en étiez-vous dans la pratique de votre religion ?» Ils dirent « Nous étions affaiblis sur terre. Nous n'avions pas autorité, nous ne pouvions pas. » Ils dirent, la terre d'Allah n'était-elle pas suffisamment vaste, vous permettant d'émigrer vers celle-ci? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Alors ceci, alors voilà ceux dont leur refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْ نَتَّخِذَ كوننا نعيش في هذه البلاد سببا أو عذرا لعصيان ربنا. Et donc il ne convient pas, ô musulmans, que nous prenions le fait que nous vivions ici dans ce pays comme excuse pour désobéir à notre Seigneur. Car cette excuse n'est pas valable. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون كلنا نعرف أن المعيشة مع المسلمين في بلاد المسلمين خير لنا ولتربية أولادنا. Ô musulmans, nous savons tous que le fait de vivre avec les musulmans, dans les pays musulmans, est mieux pour nous et pour l'éducation de nos enfants. فَلَا يُحَاوِلُ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَنَا مِنَ الصَّلَاةِ. Personne ne nous empêche de prier. Personne n'essaie de nous empêcher de prier. وَلَا يُحَاوِلُ أَحَدٌ خَلَعَ الْحِجَابِ عَنْ نِسَائِنَا. Personne n'essaie de retirer le voile de nos femmes. وَلَا يُحَاوِلُ أَحَدٌ أَنْ يُلْزِمَنَا بِمُصَافَحَةِ النِّسَاءِ. Et personne ne va nous forcer dans les pays musulmans. Personne ne va essayer de nous forcer à serrer les mains des femmes. فَمَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي يَمْنَعُنَا مِنَ الْهِجْرَةِ. Alors, quelle est la cause qui nous empêche d'émigrer vers les pays musulmans? Mais où est-ce que c'est? Quelle est cette cause? Ta'allukuna bid-dunya. Le fait que nous soyons attachés à ce bas monde. Le fait que nous soyons attachés à ce bas monde. Akhraja muslimun fi sahihihi an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. البخاري المسلم l'a cité dans son recueil. Selon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, qu'il a visité le prophète صلى الله عليه وسلم chez lui. فوجده مضطجعا على حصير. Il a trouvé le prophète صلى الله عليه وسلم qui était couché sur un tapis natté. Des tapis qui sont fait avec des nattes, en général de paille. وَقَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ فِي جَنْبِهِ. Et ce tapis avait laissé des traces sur la peau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur son côté. قَالَ عُمَرْ فَنَظَرْتُ إِلَى خِزَانَتِهِ. Omar dit, j'ai regardé, par mes yeux, j'ai regardé le garde-manger du prophète. Cet endroit où on garde la nourriture. On garde les réserves. J'ai regardé vers cet endroit. فَإِذَا بِقَبْدَةٍ مِّنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ. Alors j'ai vu une petite quantité d'orge. Environ un sa'a. Quatre fois les mains pleines. Une petite quantité d'orge. وَمِثْلِهَا مِّنْ كَرَضٍ. Et la même quantité de karav. Karav, c'est la fleur d'un arbre qu'on utilise pour nettoyer les peaux des animaux. Après avoir abattu l'animal, on veut utiliser sa peau, on va la nettoyer avec cette fleur, avec cette branche, excusez-moi, avec cette feuille d'arbre. Et donc il a vu cela. Et il dit aussi le prophète, il dit aussi Omar, il dit wa ufuqin aw wa afiqun mu'allaqun. Et j'ai vu une peau. Al afiq, c'est une peau qu'on a commencé à nettoyer mais qu'on n'a pas fini de nettoyer. On n'a pas fini de nettoyer cette peau. Donc je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit Omar après? Il dit Feb tadarat aynei. Alors mes deux yeux ont commencé à couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit Ma yubkika ya ibn al-Khattab. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Oh ibn al-Khattab. Omar, qui est connu pour sa dureté, pour sa force, il a pleuré. Mayouki, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Mali la abki wa hadha al-hasir kod athara fi jambik. Pourquoi est-ce que je ne vais pas pleurer alors que ce tapis a laissé des traces sur ta peau? Wa hadhihi khizanatuk. Et ceci est ton garde-manger. Je n'y vois la ara fiha illa ma ara. Je ne vois dans ce garde-manger que ce que je vois. C'est-à-dire très peu de choses. Wa hadha Qaisar. Wa Kisra. Et voici César. Et Kisra, des empereurs. Fil Anhar. Wa Simar. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ. César et Kisra, qui vivent dans des plaisirs, des délices, des fruits, des fleuves. Et toi, tu es le messager d'Allah et la meilleure de ses créatures. Bien sûr que je pleure. Je vois ici cette pauvreté alors que c'est toi le messager d'Allah. Et la richesse là-bas, alors que eux, ils ne sont pas, ils n'ont pas ce degré que toi tu es. C'est toi la meilleure des créatures d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Ya ibn al-Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, Ya ibn al-Khattab, oh ibn al-Khattab, n'acceptes-tu pas que l'au-delà soit pour nous et que la vie de ce bas monde soit pour eux? Il dit, bien sûr, Bela ya Rasulallah, j'accepte. Bien sûr, au messager d'Allah, j'accepte. Fala tartarru ayyuha al-muslimun. Bihadhihi al-hayat ad-dunya. Alors ne soyez pas trompés, ô musulmans, par cette vie d'ici-bas. Et rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sa al-mihad. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Ne sois pas leurré par les richesses de ceux qui ont mécru. Un plaisir vil, une piètre jouissance. Puis, leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et quelle mauvaise couche. Lakinil ladhina taqaw rabbahum. Par contre, ceux qui ont craint leur Seigneur. Alors, ils auront des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Éternellement. Khalidina fiha. Nuzulan min indillah. Un lieu d'accueil venant d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux pour les pieux. Fait, أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه العبادة العظيمة. J'ai voulu donc me faire le rappel ainsi qu'à vous par cet acte d'adoration grandiose. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.